parce qu'il y a un BPM. Et pour tout dire, je m'en bats les couilles. Je sais pas non plus ce qu'est d'être un nègre. Et pour ça, je remercie Dieu, la malédiction de Cham. C'est pas seulement des zébrons, hein, les blancs de les singes. Toi, les dauphins et Congo, et des Xéco. Je m'excuse par avance auprès des cétacés. Offenser la France aux Français. Pour moi, c'est une évidence. C'est si facile de vivre ensemble quand t'es qu'un putain de bourge. Et que ton seul rapport à l'immigration, c'est ta femme de ménage. C'est plutôt dommage. Deux, trois flégiés et bambou la canne. Putain de négro fragile. Traoré Adama. Ma France pèsera les nègres jusqu'à ce qu'ils en demandent. Je descends pas de Néandertal, mais bel et bien des Atlantes. Je veux un phénotype sans mélanine pour ma descendance. Pas que du merdoderme d'Afrique, ils aient l'apparence. Mais contrairement à ce que tu crois, je suis pas si raciste que ça. Si j'en avais l'occasion, je volerais volontiers Rihanna. Je suis en business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. Je t'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. Business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. J'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. J'ai une grande robe blanche dans ma garde-robe, ainsi qu'un capirote que je vois, c'est envoyé au tapis rote. Child, nettoyer les écuries d'Ogias de toute la chasse humaine apportée par Georges Soros et toute sa clique de juifs. Ouais, j'appelle un youth un youth, n'écris pas en hiéroglyphe, j'ai l'œil du tigre. Ils ont l'appendice nasal du nazik, à croire que le fric a de l'odeur, à moins que ça soit parce que l'air est gratuit. La juiverie un fléau, le nègre bride son centre névralgique. Je te ramène un bon vieil antisémitisme des familles afin de rétablir la vérité, car Rodolphe ils l'ont diffamé. Le métissage me dégoûte, je sais pas ce que j'aborde le plus. En train de miner bâtard ou un bambou la pure sucre. Les tomasochistes c'est pas ma cam, je crois que tu l'avais compris. La défense de ma race constitue ma seule raison de vivre. Une sale négresse dégueulasse comme Rokhaya Diallo. Avoir son faciès c'est le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement. Au lieu de te plaindre et gratter les allocs, cherche donc un job. Quel est le meilleur auteur de science-fiction entre Isaac Asimov et check en ta job. J'sais pas, mais tout ça pour dire que tu peux m'appeler Boana ou Saïb et que je m'en bats les couilles, négro. Votre histoire, que ça soit vrai ou faux, que vous fûtes pharaon possédant vaisseaux spatiaux et que sans l'arrivée des blancs, Mars serait déjà colonisé par la race Kémite suprême, celle qui a tout inventé, à qui les locodermes m'ont tout pillé. Mes chiens blancs, la dit don donne l'algemissier. Retourne te faire esclavagiser par tes maîtres arabes. Mais face à la création de Jacob, surtout baisse jamais ta garde. Bref, mettons les choses à plat. Pourquoi tu m'en veux, bamboula? Je te jure que si j'avais un champ de coton, je t'aurais donné un taf. Ça n'y changera rien, donc arrête de geindre maintenant. Va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. Je suis en business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. Je t'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. Business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. J'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. J'suis en business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. J'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. Business class, on clame qu'ils sont fils d'esclaves et je m'esclave. Je voudrais les voir à fond de calcar après tout, elle est leur place. Négro, va te branler sur Antadiop pendant que je relis Mein Kampf. J'aurais bien filé un job, mais j'ai pas de champ de coton. Pas de champ de coton. J'ai pas de champ de coton. Pas de champ de coton, non. J'ai pas de champ de coton.